je suis heureux d'être arrivé à ne pouvoir faire que de la peinture, d'essayer d'arriver à ne pouvoir que peindre. Bobin à la rencontre de Soulages. Les grands coups de lame qu'il inflige à la toile quand elle est, celle-ci est noire, couverte d'acrylique noir, sont ceux d'un guerrier pour faire. C'est grâce à ses traits, à ses cicatrices, que la lumière peut apparaître et s'accrocher sur ses toiles. C'est extraordinaire de donner des coups de lame contre une surface noire et passer sa vie à faire ça pour finalement que la lumière puisse s'y accrocher. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. C'était en exergue de notre émission. Bonjour à vous, Christian Bobin. Bonjour. La voix de Lydie Dattas qui parle de Pierre Soulages et que vous connaissez bien. Vous êtes un homme à rester dans le cloître de votre maison, au milieu de vos livres. Soulages, pour vous, équivaut à voyage. À voyage à Rodez, d'abord. Oui, voyage à Rodez, voyage à Sète, où il a un de ses ateliers et une de ses maisons. Comment ne pas être mis en mouvement par la pensée de cet homme? Parce que, autant et plus qu'un peintre, je le vois d'abord comme un penseur. Et ses aphorismes, ses œuvres entières calcinées, ce sont ses tableaux. Et à chaque fois de voir ses tableaux, voire même parfois de penser à ses œuvres ou de penser simplement à lui, met en mouvement pour moi une réflexion sur cette vie, sur toute vie. Alors le Creusot où vous habitez depuis la plus haute antiquité, Rodez, je ne sais comment on fait. Ça ne doit pas être très simple en train. Très beau papier dans un numéro consacré à Pierre Soulages de l'hebdomadaire 1. Vous allez à Rodez, l'automne, rue Combarel, sa rue d'enfance. Et d'un côté, dites-vous, une guirlande d'artisans et de l'autre côté, des bâtiments anthracites, comme disait le cinéaste Niermans de Rodez. Prison, hôpital... C'est plus qu'un décor, c'est ce que lui propose son enfance. D'un côté, vous avez les artisans tonneliers, cordonniers, ferronniers, etc., qui exercent, qui font sortir de leurs mains ce que leurs mains déjà connaissent par avance. Et puis de l'autre côté, vous avez la mise en ordre de ce monde, la mise en ordre impériale et funèbre de ce monde par les hôpitaux, par les prisons, par les casernes, et ainsi de suite. L'enfant est pris entre deux injonctions, l'obéissance, la rationalité étouffante, et puis d'un autre côté, un savoir-faire qui a sa gaieté. Les mains des artisans, elles sont ailées, mais qui va toujours vers quelque chose que l'on sait faire à l'avance, vers du connu. Et l'enfant jaillit et s'échappe de cette alternative, échappe à cette alternative. Soit le monde qui vous courbe les chines, soit le savoir routinier, même s'il engendre des œuvres estimables. Il va vers lui-même, c'est-à-dire vers quelque chose qu'il ne sait pas, qu'il ne connaît pas. Et il va vers cette clarté noire qui un jour jaillira de ses mains. C'est le parallèle que vous tissez entre l'artisan et l'artiste. Cependant, enfant, dites-vous, le peintre voyait le boulanger apporter le pain noir aux prisonniers. C'est une très belle image, vous l'avez inventée? Non, c'est un... Il y a eu, pour célébrer la rue Combarel, qui a été la rue d'enfance de Pierre Soulages, un livre édité qu'on peut trouver à Rodez, peut-être plus malaisé à trouver ailleurs, et qui rapporte quelques propos de Pierre Soulages, qui à ma connaissance n'ont été consignés que là. Et notamment cette histoire du boulanger qui va livrer un pain effectivement noir aux prisonniers. C'était le pain dû, si je puis dire, aux prisonniers. Et il voyait le peintre amener sa charrette le long de la rue à la prison. Et enfant, pour lui, ce pain était, peut-être parce qu'il était inaccessible, était le plus délectable qui soit. Il avait peut-être il y a un destin qui est sur nous dès le départ et avant même notre départ, mais il avait le goût de ce noir, il voulait en manger avant d'en peindre. Vous avez remarqué que vous êtes très attentif aux portails. Alors, oui. Rue Combarelle, il y a des portails particuliers. Oui, il y a une porte particulière qui est celle de la maison d'enfance, sur laquelle se trouve un battoir qui a la forme d'une main. La main jaillit d'une dentelle, c'est une main à l'ancienne, c'est une main qui pourrait être du XVIIe siècle, si vous voulez. Et d'ailleurs, à mes yeux, la puissance d'un Soulages est égale à celle d'un Blaise Pascal. Et ces noirs ont quelque chose des pensées de Pascal. Sur la porte, donc, ce heurtoir, en bronze, très, cette main, qui est comme la main de l'ange, comme la main du destin, qui va frapper, qui frappe, et qui emmènera cet enfant très loin, très très loin, jusque vers lui-même. Alors, Soulages équivaut à voyage, vous allez aller très loin du Creusot, c'est maintenant l'hiver, la nuit du 24 décembre, 99e anniversaire de Soulages, c'était l'an passé, vous racontez tout ça dans Pierre, un livre chez Gallimard. Voilà que l'envie vous prend d'aller à Sète. Alors vous prenez votre billet sur Internet? Non. Non. À l'ancienne, dans une gare. La gare du Creusot? La gare du Creusot. Et elle porte un nom avec trois villes? Non. Alors, il y a. Expliquez-nous le Creusot avant qu'on aille à Sète. Et après, on en sortira. Mais le Creusot a gardé une petite gare grande comme un morceau de sucre. Sucre rose, avec quelqu'un derrière un guichet. Donc c'est dire la préciosité des lieux et la rareté. Menacée, évidemment. Je me rends là-bas à 10h du soir à peu près, un tout petit peu avant, et je demande par curiosité, s'il y a encore un... Non, c'était un petit peu avant 10h. Mais je demande, vers 6h du soir, je demande s'il y a encore un accès possible à 7 avant minuit, comme dans un conte de fées. Et à ma grande surprise, on me dit oui, on me délivre le billet, et ensuite je me rends à la gare de Le Creusot, à 15 km de là, Montchanin, dans cette gare splendide de TGV, splendide parce qu'au milieu de rien, où arrivent tous les chiens sifflants des TGV. Les chemins de fer. Et là, vous avez glissé dans votre bagage fait à la hâte, vous ne voyagez pas souvent et vous ne voyagez pas encombré, un livre d'André Dotel, le merveilleux auteur du pays où l'on n'arrive jamais, c'est Soulages en 2018 avec 99 ans. André Dotel était né en 1900. On l'entend ici lire un conte où il évoque les rails. Vous savez, l'hiver, il n'y a plus pour briller que les rails. Je vais vous lire un passage d'un de mes contes intitulé « Le chemin de fer » qui fait partie de la chronique fabuleuse. Un jour, nous arrivâmes à un embranchement. Vers la gauche, une voie unique fuyait entre des talus profondément boisés. Nous la suivîmes. Au bout de 2 kilomètres, nous parvînmes à un sémaphore planté au flanc du talus et sous le sémaphore, nous aperçûmes notre enfant étendu et qui semblait dormir. Voici à peu près ce qu'il nous dit. Écoutez-moi. Cela se passait dans un temps que je ne peux pas décrire. Il y avait cette même voie ferrée enfoncée au milieu de ces sapins. À l'extrémité du bois, un champ de maïs. Regardez, il s'y trouve encore. La sonnette du garde-barrière tintait au loin entre les talus. J'étais un enfant comme aujourd'hui. Mes yeux voyaient une lumière cruelle et je me trouvais couché sur les traverses de la voie, le front contre le rail qui brûlait. Je disais à mi-voix des mots que personne ne saura jamais et dans une langue dont il ne reste aucune trace. Je me suis endormi et peu de temps après, un train s'est annoncé sur la ligne droite. Je le savais. Et je n'ai pas bougé. Je n'ai pas senti mon front éclater lorsque la première roue m'atteignit, mais mon sang s'est endormi tout au fond de moi. Le vent a disparu et les couleurs s'enfuyaient à l'horizon comme des bandes de canards. Alors, ce fut un sommeil sans limite. Je ne sais quels oiseaux ont glissé au-dessus de moi. Il y a eu partout des plumages et des choses impossibles à voir. Ce n'était ni le jour ni la nuit, mais une ombre incroyable ou bien une lumière que j'étais trop ignorant pour connaître. L'enfant qui parlait une langue que personne ne remémore est mort sur le rail, et il vit toujours et il erre le long des rails. C'est comme si vous faisiez à l'instant galoper un cheval fou dans le studio, parce que c'est d'abord la voix de ce poète très puissant, caché sous les apparences et les haillons d'un vagabond qui est André Dautel, et puis ce récit, mon Dieu, dire de quelqu'un qu'il meurt, que son sang s'endort, et faire ensuite parler ce mort si magnifiquement, c'est superbe, c'est la poésie même, c'est au fond, je crois que c'est pour ça que je me suis mis en route ce soir-là, c'est pour atteindre des choses comme ça, c'est pour les ressentir et les atteindre. Enfin, il faut changer à Lyon, pardieu, pardonnez-moi d'être prosaïque. Vous parlez à tous les gens qui sont dans le train? Je vous croyais misanthrope, pas du tout. Ah non, misanthrope, jamais, grand Dieu. Non. Mais à tous, non, parce que certains visages ne sont pas des visages, mais sont des portes closes. Donc, je ne vais pas risquer de m'y abîmer les mains en y cognant, non. Mais... c'est assez simple. On va se mettre d'accord. Nous ne savons pas pourquoi nous sommes sur Terre. Nous ne savons pas pourquoi nous allons. Même si nous avons, il paraît qu'un jour nous serons comme ce jeune homme qui a parlé après sa mort, écrasé par un train. Il paraît. Mais c'est tellement incertain la vie et même la mort. La mort est si incertaine que nous ne savons rien du tout. Donc, quand je vois un humain, ça devient difficile à trouver des humains. Par contre, mais quand je vois un humain. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas encombré par lui-même, qui n'a pas un chapeau de convention sur sa tête enfoncé jusqu'aux yeux, eh ben, tout naturellement, j'ai envie de lui dire, mais comment vous... vous êtes perdu dans la même pièce que moi, finalement. On est dans le noir tous les deux. Alors on peut peut-être, en parlant, peut-être on va éclairer un tout petit peu. C'est ça mon mouvement. Vous arrivez à 7, très tard, on va fermer la gare. Alors vous cherchez un taxi, vous prenez votre téléphone portable et vous appelez la station de taxi. Ça me rassure, vous avez un téléphone portable. J'ai un téléphone portable, c'est pas ce qu'on appelle un smartphone, c'est-à-dire que c'est un téléphone à l'ancienne. Et arrive un ange, enfin le chauffeur de taxi, c'est un ange. Ah ben, quelqu'un qui vient vers vous, dans une nuit splendidement glacée, aussi refermée que... comment appelle-t-on ça? Aussi refermée qu'une papillote, dans la nuit de Noël... dans cette nuit glacée de se vouloir joyeuse, quelqu'un qui vient à votre secours dans une gare où il n'y a plus personne et qui est en train de fermer, ne peut être qu'un ange, évidemment. Le chauffeur de taxi vous dit, vous allez chez le peintre, je voudrais vous faire écouter ceci, France Culture, il y a 20 ans seulement. Quand on parlait de Sète et de ses artistes, on ne parlait jamais de Soulage à cette époque-là, mais d'autres, et d'un... poète en particulier que je crois vous aimez particulièrement. Sète, une ville où l'on sent le travail, l'odeur du porc et du goudron. Une ville a priori sans grand destin artistique et pourtant, beaucoup de gens célèbres en sont sortis, Valéry, Jean Villard, Brassens, pour ne citer qu'eux. Alors on a retraversé la ville jusqu'au cimetière marin à la recherche de la tombe de Paul Valéry. Ah, vous connaissez par cœur le trajet pour arriver jusqu'à la tombe de Paul Valéry? Il y a plusieurs trajets possibles. Ah bon? On peut circuler entre ces tombes, comme lui. À circuler. Alors, les sobres. 30 octobre 1871, 20 juillet 1945. Et deux vers du cimetière marin. Ô récompense après une pensée qu'un long regard sur le calme des dieux. On le voit... Et c'est pas toujours calme, mais là, la mer aujourd'hui est parfaitement calme, à peine remuée. Et vous voyez aussi là le Fort Vauban, et juste le théâtre de la mer, l'ancien Fort Vauban. Juste au pied, il y avait la crique où Paul Valéry allait aimer s'asseoir et lire, laisser le vent tourner les pages de son livre. Franck Olivard, qui a préparé cette émission, qui vous connaît assez bien, me dit c'est rare que Christian Bobin s'exprime négativement sur quelqu'un. Mais parfois, il faut appuyer ses mains contre un mur pour se redresser, se tenir bien droit. Paul Valéry a plusieurs avantages, outre le fait d'être un poète officiel. C'est d'avoir une jolie période, petite période pétainiste, et puis d'avoir laissé, d'avoir maltraité psychiquement et spirituellement une poétesse comme Catherine Pozzi. Mais je vais tricoter, si vous voulez, cette émission, parce que c'est très heureux que vous ayez fait entendre la voix d'André Dautel. Je vais vous citer quelque chose, André Dautel, à propos de Paul Valéry. Quand est-ce qu'on arrivera à faire comprendre au lecteur que son marbre à Valéry est du nougat ? Mais d'aucuns avaient pensé à lui en 44 après la libération pour en faire le président de la République. Quand même, un poète président de la République, ça aurait eu de la gueule, Christian Bobin. Ça, permettez-moi d'en douter. C'est pas la place des. La place du poète et la place du pouvoir sont me semble-t-il, incompatibles. Un détail très physique, parce qu'on l'a pas entendu dans la promenade, le petit courant d'air qu'on vient de prendre en allant dans le cimetière marin à 7. Un détail très physique. Je m'y suis rendu il y a pas très longtemps dans ce cimetière. Et je peux vous dire qu'une chose. Il y a un banc en face de la tombe de Paul Valéry. Et ce banc est incliné. C'est-à-dire que vos fesses glissent comme un hommage de toute votre personne vers le grand poète. C'est-à-dire que même après la mort, l'hommage est, on vous demande de le continuer. Bon, pas de prosternation devant Valéry. Ascension vers la maison du peintre, comme dit l'ange, le chauffeur de taxi. Vous avez remarqué que vous décrivez longuement le portail de la maison. Oui. C'est une chance d'attendre la nuit de Noël devant le portail. Ah, toujours. Ah, c'est la nuit de Noël ou une autre nuit, ou un autre moment, ou n'importe quand, c'est une chance. Oui, pour moi, c'est une chance d'attendre. Je vis à la campagne et par la fenêtre devant laquelle est le bureau où j'écris, la petite table où j'écris, je vois parfois passer des bêtes. J'ai vu passer il y a pas longtemps un renard, je vois passer un chevreuil, je vois voler des geais. C'est mon peuple. J'ai le sang d'un animal, d'un gibier. C'est-à-dire, j'attends. Je suis comme eux. J'ai vu comment ils font les oiseaux. J'ai vu comment fait le renard. Il se précipite pas vers sa proie et il tourne autour comme s'il était désintéressé. Il attend. Et j'ai vu ce que fait le geai aussi. Il ne va pas chercher sa nourriture par un seul bond. Il va multiplier les bonds comme si, dans une sorte d'économie folle, d'économie non rationnelle, merveilleuse, qui devrait nous enseigner d'ailleurs quelque chose. Attendre, c'est l'ouverture de tous les portails, fussent-ils fermés. Attendre, c'est l'ouverture de la poitrine et de cette chose qui grelotte et qu'on appelle le cœur à l'intérieur. On pourrait tenter une variante. L'ennui, c'est l'attente de l'amour qui va venir. Oui, on pourrait dire quelque chose comme ça. L'ennui, dont on prive aujourd'hui beaucoup les enfants, et dont ils ne se connaissent pas privés, puisqu'ils finissent par l'ignorer, bien sûr, la lenteur, le temps, la patience, l'attente sont des matières précieuses, plus enfoncées aujourd'hui que les minerais qui alimentent nos petites boîtes parlantes. Vous voyez une lumière sous le portail ? C'est très important, le raid de lumière. Là, non, cette nuit-là, non. Non, non, non, non, non. Le noir. Le noir. Bon, alors cette maison, vous la connaissiez. On va la visiter, si vous le voulez bien, parce que il manque quelque chose dans notre émission. On a eu la voix de Dautel, mais on n'a pas eu la voix de Soulages. Le voici qui décrit la maison. Cette maison, sétoise, est aussi une maison merveilleusement moderne. On a le sentiment que c'est un civilisé vraiment du XXe siècle qui a bâti sa maison et qu'il a bâti en tenant compte justement de la totale réalité. On aimerait que toutes les maisons soient à cette image, oui. Bien sûr. Marie, ça, je ne me rends pas compte. Vous savez, chaque fois qu'on fait quelque chose, si on est vraiment soi-même, la chose que l'on fait est moderne, parce que nous vivons au XXe siècle. Nous n'avons pas essayé de faire une maison moderne. Il se trouve qu'elle l'est, peut-être, vous trouvez qu'elle l'est, mais en réalité, si elle l'est, c'est parce qu'elle nous correspond et que nous sommes des gens qui vivons au XXe. Vous faites aussi la démonstration que ciment, verre et acier, au milieu de cette montagne, enfin à flanc du Mont Saint-Clair, s'intègrent parfaitement, que rien ne choque. Oui. Je relèverai un mot, ce n'est pas ciment, verre et acier, c'est béton, verre et acier. Et le béton, c'est quelque chose de très particulier. Le ciment est une chose morte, plastique. Une sorte de savon, une sorte de matière inerte, une sorte de... Alors que le béton est une chose vivante. Le béton, avec la trace des planches, avec le souvenir du bois qu'il garde, du bois de coffrage, est une chose qui a sa vie, qui a une certaine nervosité, une certaine tension, celle des fers que l'on pressent, que l'on suppose être ceux qui le tendent à l'intérieur. Le béton est un matériau noble. D'un côté, il y a une lumière au nord, de l'autre côté, une lumière zénitale, et c'est un matériau qui vit, qui n'est jamais... vous savez, le ton local, ça n'existe pas. Un grand mur blanc n'est jamais un grand mur blanc. Il y a toujours un côté qui reçoit un reflet de la mer et qui est bleu, un autre côté qui reçoit le reflet du soleil et qui est chaud. Il suffit de savoir voir et d'ouvrir les yeux. Pierre Soulages, France Culture, 1970. Christian Bobin. Vous avez deux choses dans ce qu'on vient d'entendre. Vous avez d'abord la voix de quelqu'un qui est amoureux de la matière et qui est passionné. On meurt des chiffres. On est atteint, on est grignoté par les chiffres. On commence à avoir la nuque rongée par la petite dent de Descartes. On est mordu par ça, on est détruit par ça. Et vous avez en face un homme comme celui-ci, Pierre Soulages, qui n'a pas cessé d'exalter la matière, le très concret. C'est pas un peintre abstrait, c'est le peintre le plus concret qui soit. C'est l'amoureux fou de la matière. Et déjà, par exemple, comme il parle du béton, il en parle, mais comme un amoureux de la baguette de pain, avec le craquant de la mie, avec la respiration de la mie, le craquant de la croûte, et c'est magnifique. La deuxième chose que vous avez, on l'entrevoit peut-être un peu, c'est que l'intelligence d'un homme, si elle est là, elle s'exerce dans tous les domaines, ou alors elle n'est pas là, et elle s'est exercée dans le domaine de l'architecture, de la construction de sa maison. Avec Colette, ils ont conçu les plans de cette maison eux-mêmes, ils ont conçu l'orientation par rapport à la lumière, ils ont fait un travail d'architecte, mais parce que cet homme est voué à faire un travail d'architecte par ses mains, par sa peinture, par sa pensée, par sa parole qui est très lapidaire, beaucoup moins bavarde que la mienne, et qui construit à chaque fois quelque chose, qui construit une architecture dans le cœur et dans la tête de ceux qui le voient et de ceux qui l'entendent. Il y a une différence en effet entre vous. Vous parlez d'un Soulages lapidaire, il n'aime pas les images, et vous voulez multiplier dans votre écriture. Oui. Moi, je ne sais pas parler ni voir autrement que par image. Toutes les choses sont reliées. Mais vous savez, je passe outre l'interdit de l'outre-noir. Sur l'outre-noir, terme que Pierre Soulages a inventé et peinture qu'il a découverte, dont il est l'inventeur au sens de découvrir, il demande qu'on ne mette aucune image, qu'on ne désigne rien par là. Moi, je sais que cette peinture me rend si heureux que j'y découvre la source des images, la mère des images. Et donc, c'est une liberté que je me permets. Un créateur, un amoureux, donc... doit nous délivrer. Il est là pour nous délivrer, y compris de lui-même. Alors, vous faites souvent la comparaison entre les peintures de Soulages, je parle de votre livre Pierre, virgule, chez Gallimard, et ce qu'on peut trouver dans un garage, dans la remise de votre enfance, mais la place de Soulages est au musée, n'est-ce pas ? Alors, vous racontez une visite, encore un voyage, à Montpellier, au musée Fabre. Ça, c'était il y a un moment déjà. C'était il y a quelques années. Je suis en prise d'otage de lecture dans une librairie. En prise d'otage, vous exagérez là pour l'image, vous exagérez. Je veux dire, on vient me chercher. J'emploie l'expression de Jacques Reda pour parler des visites d'écrivains. C'est-à-dire, on vient vous chercher avec des menottes de gentillesse. Mais on me laisse 3 heures. On me laisse 3 heures libres. À loisir. Je sais que j'habite pas très loin de l'hôtel où je suis, n'est pas très loin du musée Fabre, qui contient des peintures de Soulages que j'ai envie de voir. J'y vais, elles sont au dernier étage, et là, je me trouve, il faut rendre les sons visuels, imaginons des draps de couleur noire suspendus sur des fils, parce que certains tableaux sont suspendus au milieu de la pièce. Et je suis saisi par un cheptel, c'est un cheptel d'animaux préhistoriques que je vois, que je sens pratiquement respirer au souffle, sous la caresse de la lumière qui passe par les vitres, les grandes vitres, les grandes baies vitrées. Je suis seul, presque. Il y a un gardien qui, lui, est voué, est comme cloué à ses peintures pendant des heures, et qui les connaît, je me dis, mieux que moi. Forcément, je vais rester quelques minutes, ou une demi-heure, 20 minutes, mais lui, il est là la journée entière. Et puis c'est un humain. Vous me disiez tout à l'heure, je vais vers les gens pour leur parler, et je vais vers lui. Peut-être un peu trop précipité. Il recule un peu, Il est lui-même noir, et je lui demande... Habillé d'un costume noir, j'espère. Il est habillé d'un costume noir, il est noir, habillé d'un costume noir, et on est comme dans des abîmes. Et je lui demande ce qu'il pense, ce qu'il ressent de cette peinture, qu'il voit plus souvent que moi. Et là, il recule encore un peu plus, effrayé, et me dit cette parole splendide et déchirante. « Nous n'avons pas le droit, monsieur, de donner notre avis. » Silence, mais nous sommes humains. Mais c'est qu'on a professionnalisé les musées, Christian Bobin. Parce qu'autrement, ça deviendrait comme dans cette pièce de Jean-Michel Ribes. Moi, alors, c'est surtout le Gréco qui m'abîme. Le Gréco vous abîme ? Oui. Il me tape, le Gréco. Il me frappe. Voilà. Il me retourne profond. On est dérouté. Je ne savais pas tout ça, je vous jure que je ne le savais pas. Asseyez-vous simplement 30 minutes devant une tapisserie des Flandres. Une grande, 6 mètres sur 4, à petit point. Périclès à la bataille des Thermopyles, par exemple. Ou la visite de la reine de Saba au roi Salomon. Oh, celle-là, elle dit quoi ? Et 30 minutes, hein, pas plus. Et puis après, essayez d'aller acheter votre baguette de pain ou de la crème pour les gerçures ou de parler avec la maîtresse de votre fille. Hein, verrez comme c'est facile. J'imagine. Je les ai gardés toute ma vie, les chefs-d'œuvre. Ils m'ont massacré, les artistes. Voilà. Renversé, ligoté, troué la peau. C'est pas compliqué, mais j'ai plus de défense. Il serait pas temps que t'envisages ta retraite, Alain ? Ma retraite ? Mais où ça ? Mais loin d'ici, à la campagne. À la campagne ? Quand on est resté pendant des années devant Courbet, Degas, Miro, Chirico, tu crois qu'on peut regarder une poule ? Un paysage ? Un buisson ? C'est du toc, la campagne. De l'art mal copié. Je ne veux pas finir gardien de campagne. T'as vu qui visite ? Des ploucs ! Avec des tracteurs ! Des dentistes qui retapent des fermes. Vous avez déjà vu une résidence secondaire dans un tableau de Cézanne? Ces gardiens de musée sont interprétés par la compagnie de l'Alouette et la maison de l'étudiant d'Épinal. Vous avez la leçon contraire sur la campagne et le musée. Vous êtes à la campagne et vous voulez pas de tableau sur vos murs. Non, je n'aime pas qu'on accroche un tableau à un mur, mais... Si vous voulez, je suis rempli à ras-bord par une phrase, une seule phrase, depuis toujours, et j'essaye de l'écrire. Je n'ai pas le dernier mot, j'ai à peine le premier. J'ai été jeté dans ce monde avec une pensée qui est non-pensée. Voilà. Et mon travail, c'est d'écrire, et ça remplit tout. Et je préfère être devant un mur vide plutôt que devant un mur qui voudrait attirer mon attention. Mon attention, elle est toujours tournée vers le dedans. Ce qui fait que je comprends très bien l'obsession très belle de Pierre Soulages de toujours penser au tableau à venir. Toujours. Bon, alors là, comme vous avez dit qu'on meurt des chiffres, je ne vais pas vous faire commenter le fait que si on parle tant de Soulages, c'est qu'il est le peintre le plus cher au monde. Ça ne vous intéresse pas. Moi, je vous propose cette énigme en guise de conclusion. Une femme me dit que son enfant aime Soulages. L'enfant a 3 ans et elle ne sait pas pourquoi il aime Soulages. Quand vous aimez, Jean Lebrun, quand vous aimez vraiment, vous êtes incapable de dire pourquoi. Si vous commencez à dire pourquoi, vous tuez celui ou celle que vous aimez ou ce que vous aimez. Vous commencez à le tuer. Vous ne pouvez pas nommer ce qui vous éblouit. Vous pouvez juste savoir que ça vous éblouit. Il n'y a pas de réponse. Merci à vous, Christian Bobin. Je rappelle que vous parlez de Soulages, notamment dans L'Homme-Joie. C'est aux éditions de l'Iconoclaste. Beaucoup dans Pierre, virgule, chez Gallimard. Cette émission a été préparée par Franck Olivard, qui a collaboré au numéro du cahier de Lerne qui vous est consacré. Sioran et Bobin, c'est aussi le thème d'une pièce qu'il a composée à partir de vos textes à l'un et à l'autre, les deux grands messieurs. Une pièce qui cherche un théâtre pour être jouée, je dis ça comme ça, à bon entendeur. Salut Étienne Bertin pour la réalisation, Selim Guéribi à la technique.